Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Vous le savez, nous vous en parlons depuis plusieurs jours puisque les portes d'Europe 1 seront grandes ouvertes. Mais au château de Malmaison, près de Paris, aura lieu aussi la deuxième édition du Jubilé impérial. Franck Ferrand profite pour nous parler de Napoléon. Bonjour Franck. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Nous en profitons surtout aujourd'hui pour continuer notre, comment vous pourrez appeler ça, notre bicentenaire chronique en quelque sorte. Rappelez-vous, nous avons parlé il y a 2 ans maintenant de la campagne de Russie. On parlait l'année dernière de la campagne de France, bien entendu. Et bien là, on arrive vraiment au bout de l'épopée napoléonienne, évidemment, nous allons évoquer aujourd'hui le bicentenaire de l'exil de Napoléon sur l'île d'Elbe. Un épisode, je le disais tout à l'heure, assez oublié de l'histoire et cependant passionnant. Pour en parler, j'ai réuni 2 grands experts. Bernard Chevalier a longtemps dirigé la Malmaison. On en parlera, bien entendu, puisque nous évoquerons bien sûr ce jubilé impérial qui a lieu en ce moment même, dans ces lieux magiques. Quant à Charles Bonaparte, eh bien, son nom suffit à vous le présenter. Effectivement. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Gilles sur la page Facebook de l'émission à propos de l'origine de l'expression « le pot aux roses ». Ça, c'est une bonne question. On va essayer d'être à la hauteur. Pour le moment, je vous propose de nous embarquer pour un des plus charmants îlots de Méditerranée, l'île d'Elbe, dont le souverain fugace a pour nom Napoléon. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. On célèbre ces temps-ci le bicentenaire de la chute de Napoléon au sens large. Ce qu'on ne précise pas toujours, c'est que l'empereur n'a pas abdiqué une fois, mais 2. Il y a la première abdication, celle du printemps 1814, à Fontainebleau. Et puis, 1 an plus tard, au lendemain de Waterloo, il y a la deuxième abdication, celle de l'Élysée. Et entre ces 2 dates, que s'est-il passé? Eh bien, entre ces 2 dates se place une des années les plus intéressantes, sinon les plus glorieuses, de l'épopée napoléonienne. Nous allons revenir justement, nous, sur cette année particulière. Le 31 mars 1814, on est à la toute fin de cette terrible campagne de France et on a vu les troupes de la coalition, dont la Russie, la Prusse, l'Angleterre, etc., entrer, pénétrer sur le territoire national, arriver jusqu'à Paris. Les alliés ne veulent pas discuter avec Napoléon. Ils sont à Paris le 31 mars, justement, et le 1er avril, un gouvernement provisoire est désigné. C'est Talleyrand qui est à la tête de tout ça, l'ancien ministre des Relations extérieures. On en parlait il y a quelques semaines. Alors, à partir du 2 avril, on va commencer de véritables négociations. Le général de Caulaincourt, qui est duc de Vicence, ministre des Relations extérieures de Napoléon, va se retrouver face à l'empereur de Russie, face à Alexandre Ier. C'est lui qui discute, c'est lui qui négocie au nom de l'empereur. Caulaincourt se dit que ce serait bien qu'on puisse trouver un endroit où Napoléon se retirerait. Il pense à la Corse, évidemment, et pour cause, hein, la Corse qui est la patrie même de la famille Bonaparte, cette Corse qui appartient à la France depuis 1768. On pourrait y adjoindre la Sardaigne, Corfou, tout ça est encore à l'époque entre les mains de la France. Caulaincourt rappelle que l'empereur souffre d'une dermatose chronique qui le démange au point qu'il se gratte toujours la peau jusqu'au sang, il a de violentes douleurs à l'estomac. Peu importe quels que soient les arguments qu'on emploie, le tsar en face refuse et lui il propose encore l'île d'Elbe. Qu'est-ce que c'est que cette île d'Elbe? Marie-Hélène Bellac, qui a consacré un ouvrage sur Napoléon empereur de l'île d'Elbe, c'est le titre, nous dit que c'est une île de Méditerranée à peine 2 fois plus grande que l'actuel Paris intramuros. Vous voyez à peu près l'échelle des choses. Une île que l'homme qui a régné, nous dit-elle, sur la moitié de l'Europe va recevoir en contrepartie de son abdication. C'est rude, évidemment. Et en même temps, quand on y songe, et à la lueur de tout ce qu'on a pu vivre depuis, on se dit que ça n'est peut-être pas si terrible que ça non plus. Les alliés sont plutôt bons princes à l'égard de Napoléon, puisqu'ils lui offrent, si je puis dire, la souveraineté sur cette île de 27 km de long sur 18 de large. Une île, vous voyez, qui est à une quinzaine de kilomètres des côtes toscanes, qui se trouve donc coincée entre la Corse et l'Italie, si vous voulez. Elle appartient, cette île, à la France depuis 1802. on peut dire, alors je ne sais pas si les Elbois seraient très heureux que je dise ça, mais ça fait beaucoup penser à la Corse. On est tout à fait dans le même genre de climat, de relief, il y a un peu la même ambiance. C'est une très jolie île du reste, l'île d'Elbe. Et je conseille à tous nos auditeurs, nous y avons tourné pour la télévision, figurez-vous, parce que très bientôt, là au début du mois d'octobre, on va parler justement de la chute de Napoléon. Et ce tournage a été un véritable rêve, il faut bien le dire. Donc c'est une belle destination touristique au passage. Donc, pendant quelque temps, Napoléon se demande un peu à quelle sauce il va être mangé. Et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à l'époque, il est à Fontainebleau, dans une sorte de camp retranché. Il a encore à sa main entre 40 et 60 000 hommes. Il pourrait peut-être reprendre Paris, sauf que ses propres maréchaux refusent maintenant de continuer les combats. Et Napoléon doit bien abandonner. Il va abdiquer le 6 avril. Cependant, il met une réserve sur l'île d'Elbe. Il voudrait, lui, la Toscane. Et pourtant, l'île d'Elbe se révèle finalement le meilleur choix qui lui soit proposé, puisque il faut bien dire que d'autres des alliés, l'empereur de Russie est plutôt bon prince, mais d'autres alliés, les Autrichiens, les Anglais notamment, poussés par Talleyrand, aimeraient envoyer Napoléon beaucoup, beaucoup plus loin. Ils voudraient l'éloigner de l'Europe. Finalement, le 11 avril, Napoléon finit par signer le traité de Fontainebleau, en présence de Caulaincourt, bien entendu, des ministres d'Autriche, de Russie, de Prusse, de ses propres maréchaux. Il reste donc empereur. Il a la souveraineté de l'île d'Elbe. Il va recevoir un revenu annuel de 2 millions de francs. On parle de francs or à l'époque, qui sera versé par le gouvernement français. Vous voyez donc que les compensations ne sont pas du tout négligeables. L'ancien ministre de la police, qui était tombé en discrétie depuis la fin de 1809, en tout cas depuis 1810, Fouché, adresse à Napoléon une lettre qui lui fait parvenir. Voilà ce qu'il dit. L'île d'Elbe est assez voisine de l'Afrique, de la Grèce, de l'Espagne. Elle touche presque aux côtes de l'Italie et de la France. De cette île, la mer, les vents et une felouse peuvent transporter rapidement dans tous les pays les plus exposés à des mouvements, à des événements, à des révolutions. Dans cette mobilité actuelle, un génie tel que le vôtre donnera toujours des inquiétudes et des soupçons aux puissances. On dira que le rocher d'Elbe est le point d'appui sur lequel vous placerez des leviers avec lesquels vous chercherez à soulever le monde. Ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est tout simplement prophétique ce qu'écrit Fouché. C'est en gros ce qui va se passer. Mais n'allons pas trop vite. Napoléon va devoir partir. Alors, il faut vous dire que, entre-temps, la famille de Bourbon est en train de s'installer sur le trône. Le comte d'Artois, frère du roi Louis XVIII et lieutenant général du royaume, fait une entrée triomphale dans Paris le 12 avril. Le roi est donc là, aux portes de la France. Et dans la nuit du 12 au 13, Caulaincourt nous révèle, on en a parlé, là aussi j'ai eu l'occasion de vous raconter ça l'année dernière, il nous révèle que Napoléon a eu vraiment des tentations suicidaires, qu'il était tout près de mettre fin à ses jours. Il a même tenté de le faire. Il a fait une sorte de poison avec un mélange d'opium, de belladone, d'hélébore blanc, etc. Seulement, il est tombé très malade. Ça oui, il a beaucoup souffert, mais il n'est pas mort. Et il va dire à Caulaincourt, qu'il rapporte dans ses mémoires, « Je vivrai puisque la mort ne veut pas de moi dans mon lit. Je ne vivrai puisque la mort ne veut pas plus de moi dans mon lit que sur le champ de bataille. » Il vivra. Où vivra-t-il? À l'île d'Elbe. Et c'est le départ. Ça y est, il faut déjà faire les bagages. Le comte de Pontécoulant, qui est un sénateur, qui s'est rendu à la convocation de Talleyrand pour désigner le gouvernement provisoire, raconte « Le palais de Fontainebleau, témoin de tant de fêtes splendides et d'adulations obséquieuses dans les beaux jours de l'Empire, n'était plus qu'une vaste solitude. Chaque jour amenait une défection nouvelle parmi les chefs de l'armée. Chacun se hâtait d'envoyer son adhésion aux actes du gouvernement provisoire. Mais Napoléon, ne s'en va, vous l'imaginez bien, qu'à regret. » Finalement, Napoléon va pouvoir se consoler. Il va entraîner, si je puis dire, avec lui quelques volontaires fidèles. Au départ, il était prévu d'en emmener 400. Ce sont finalement 700 de la vieille garde qui vont partir avec lui. Les adieux de Fontainebleau, vous connaissez cet épisode célébrissime. On est dans la cour, devant l'extraordinaire escalier en fer à cheval à Fontainebleau ce 20 avril. « Vieille garde, dit Napoléon, je me sépare de vous, je vous fais mes adieux. Je vous ai toujours trouvé sur le chemin de la gloire. Vous n'avez jamais quitté le chemin de l'honneur. Je suis content de vous. J'ai fait 20 ans de guerre pour la France, pour le bonheur de cette chère patrie, mais toutes les puissances de l'Europe se sont armées contre moi. Une partie de l'Europe a trahi ses devoirs. La France elle-même a voulu de nouvelles destinées. Avec vous et avec les braves qui me sont restés fidèles, j'aurais pu entretenir une guerre civile en France pendant 3 ans, mais elle était malheureuse et contraire au but que je m'étais proposé. Un extrait du troisième mouvement de la symphonie numéro 5 en C mineur par Carlos Kléber. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Napoléon et à l'île d'Elbe. La symphonie de Beethoven, mais tout bien le monde sûr. A reconnu cette cinquième symphonie de Beethoven. Alors, la descente de Napoléon à travers toute la France, etc., ça ne va pas se faire sans difficulté, bien entendu, parce que faut vous imaginer qu'il n'a plus le vent en poupe, si je puis dire, et que ça y est, les esprits sont maintenant tout à fait forgés à cette idée d'une restauration monarchique. Et plus on descend vers le sud, il ne faut pas l'oublier, la Provence est un véritable foyer royaliste. Donc plus on descend vers le sud, plus c'est difficile. Il y a une scène qui témoigne de ce rejet de l'empereur. Elle a lieu le 25 avril dans une auberge qui se situe sur la route d'Aix-en-Provence. L'hôtesse, qui ne sait pas que c'est Bonaparte qu'elle a en face d'elle, je l'appelle maintenant Bonaparte, on va continuer à l'appeler Napoléon si vous voulez, il a changé de tenue, hein, il est en civil. Elle dit « Eh bien, avez-vous rencontré Bonaparte ?» Alors l'empereur lui répond « Non ». « Je suis curieuse de voir s'il pourra sauver, » dit la brave dame. « Je crois toujours que le peuple va le massacrer. Aussi faut-il convenir qu'il l'a bien mérité, ce coquin-là. Dites-moi donc, monsieur le courrier, on va l'embarquer pour son île ?»« Mais oui, on le noiera, n'est-ce pas ?» Réponse « Oh, je l'espère, madame. » On comprend mieux pourquoi Napoléon a demandé une frégate anglaise pour traverser la Méditerranée, tranquillement, si l'on peut dire, afin de rejoindre l'île d'Elbe. La frégate en question s'appelle l'Indomptée. Il s'y embarque le 28 avril à 9h du soir, il s'embarque à Fréjus. Il y a eu là aussi d'ailleurs des scènes pour le moins houleuses. Le 3 mai 1814, donc ça veut dire presque 5 jours quand même de traversée, une traversée difficile avec du mauvais temps, du vent. Finalement, on annonce la capitale de l'île d'Elbe. Sauf que sur l'île d'Elbe, à Portoferraio, on a vu arriver ce navire. Et évidemment, c'est un navire qui bat pavillon anglais. Ce qui fait que ça commence mal. On lui adresse 2 tirs de semonce qui manquent de toucher le convoi. Bon, une fois qu'on a compris qui arrivait en l'île, évidemment, l'accueil est beaucoup plus chaleureux. Voilà ce que dit le sous-préfet de l'île. « Le plus heureux événement qui put jamais illustrer l'histoire de l'île d'Elbe est réalisé à ce jour, » dit-il. « Notre auguste souverain, l'empereur Napoléon, est arrivé parmi nous. » Et le maire de Portoferraio va lui apporter les clés de la ville sur un plat d'argent. Voilà ce que dit Marie-Hélène Bellac. « La population massée sur le port crie, agite des mouchoirs. L'empereur peut maintenant débarquer. » Puis il descend l'échelle de coupé de l'Indomptée et prend place dans le grand canot qui s'est rangé au flanc de la frégate, tandis que les marins anglais, alignés sur les vergues, le saluent d'un triple « Hurrah !». La darse est couverte d'embarcations remplies de musiciens et de curieux qui lancent des fleurs, acclament l'empereur, chantent ce nouvel Apollon exilé du ciel et réfugié en Thessalie, pour citer un opéra célèbre de l'époque. Alors, vous comprenez bien, réception tout à fait chaleureuse, cérémonie religieuse, enfin bref, arrivée de Napoléon en grande pompe. Cela dit, quand il découvre l'endroit où il doit résider, Napoléon déchante assez vite. Son appartement à la mairie est sombre, il sent plus ou moins le moisi. Il faut vous dire que l'île n'est pas du tout, n'a pas été bien entretenue, il n'y a aucun système d'hygiène, etc. Et c'est là qu'on va voir un Napoléon, j'allais dire inconnu, non, parce qu'il finalement il n'a fait que ça depuis les 15 ans qu'il dirigeait la France, mais à cette toute petite échelle, il va se transformer, si vous voulez, un peu en conducteur de travaux. Et il va se lancer dans des travaux tous azimuts, en reconstituant sur place donc cette espèce de tout petit empire. Ah, on est loin du grand empire, hein, de la grande France de 134 départements avec ses 44 millions et demi d'habitants qu'elle est de la Baltique à Gibraltar. Sur l'île d'Elbe, il n'y a que 12 000 habitants. Mais l'empereur continue à se comporter en empereur. Il porte son habit vert, ses souliers à boucles d'or, la grande étoile, c'est la grande plaque de la Légion d'honneur, la décoration de la couronne de fer. Il va choisir un drapeau blanc traversé d'une grande diagonale orange et rouge semée d'abeilles qui va devenir le nouveau pavillon de l'île. Et après quelques jours d'inspection, il décide de s'installer parce qu'il ne va pas rester évidemment dans cet appartement de la mairie. Il s'installe au lieu dit les Moulinis dans une maison qui est assez modeste sur les hauteurs de Portoferraio. L'endroit est assez isolé pour éviter toute agression maritime ou terrestre, mais il va faire de cette maison un véritable petit palais. Il faut l'agrandir, l'aménager. Il s'offre aussi tout de suite une maison de campagne, la Villa de Saint-Martin, qui est une maisonnette pour la saison chaude. Et puis l'ermitage de la Madone au Mont Giove. Alors là, on monte un peu dans la petite montagne de l'île. On est à 627 mètres d'altitude. C'est là que Napoléon va pouvoir passer les journées les plus chaudes de l'été. Il y a toujours un certain train de vie. Il y a une espèce de cour en réduction autour de lui, avec toujours 60 à 70 personnes qui sont là pour entretenir le protocole, ce qui d'ailleurs va quand même absorber, on fera le compte, près de 40% des dépenses totales de l'île d'Elbe pendant la présence de Napoléon. Il fait respecter l'étiquette, bien entendu. Dans ses mémoires, son premier valet de chambre nous dit « Le premier jour de mon service auprès de l'empereur, il me demanda du thé. J'envoyais le garçon de garde-robe en chercher à l'office. Il m'apporta un plateau couvert de tout ce qui compose un thé. Je le pris de ses mains et fus le présenter à l'empereur. Il s'en versa lui-même une tasse, la sucra, et allait la porter à ses lèvres lorsqu'il me dit « D'où vient cette tasse ?»« De l'office, sire, lui répondis-je. » Il jeta le contenant et le contenu contre le mur et cassa la tasse. « Servez-vous à l'avenir des objets de mon nécessaire et non d'autres, dit-il. » Ça commence à nous alerter sur un autre aspect, c'est que Napoléon, dans cette affaire, craint beaucoup pour sa santé, pour son intégrité, et pour cause. L'île d'Elbe, nous allons le découvrir dans un instant en compagnie de mes invités, est littéralement couverte d'espions. C'est sans doute l'endroit, pour l'époque, où se trouve le plus grand nombre d'agents de renseignement. Chacun essaie des pieds, chacun. On essaie surtout de savoir quelles sont les intentions de Napoléon. Et c'est toute la grande question. Est-ce que cet homme s'était finalement résolu au sort que lui avaient fait les alliés? Est-ce qu'il était prêt à rester sur l'île d'Elbe comme le petit souverain d'un petit état, the tiny king of a tiny kingdom, comme on disait de quelqu'un d'autre, vous savez, du roi Hussein de Jordanie en l'occurrence, ou est-ce que dès le début il s'est mis à jouer une sorte de comédie avec à l'esprit la volonté de reprendre un jour le pouvoir en France? C'est très difficile de le savoir, mais un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'indices permettent cependant d'apporter à cette question un certain nombre de réponses. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la suite de votre récit sur Napoléon et l'île d'Elbe. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour sur cet îlot méditerranéen, l'île d'Elbe, avec vous Franck Ferrand. Alors Napoléon est sur sa petite île, avec sa petite cour, j'allais dire avec sa petite vie, même s'il s'occupe beaucoup, je vous l'ai dit, il lance des travaux dans tous les sens, il s'intéresse aux cultures de l'île, il s'intéresse aux exportations. Il est en train, on peut imaginer que si Napoléon était resté sur l'île d'Elbe un certain nombre d'années, après tout pourquoi pas, il aurait pu transformer ça en une sorte de Monaco avant l'heure, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée d'ailleurs, mais bon. Pour autant, il s'ennuie même ferme. Voilà ce que nous dit un visiteur anglais, John Barber Scott, qui va le voir. Il dit « La première impression qui me traversa l'esprit fut « Se peut-il que cet homme soit le grand Napoléon ? Est-ce cet individu à la physionomie sans grâce, gauche même, qui a impressionné empereurs et rois, qui a remporté victoire sur victoire, et dont la simple apparition sur le champ de bataille équivalait à 10 000 hommes ? Est-ce possible ? En cette contenance totalement dénuée d'expressivité, qui semble même dénoter de la stupidité. » Vous voyez, quand je vous parle d'indices, là on se dit qu'il n'est pas possible que Napoléon, même s'il était fort déprimé, même si l'ennui avait fini par le gagner, il n'est pas possible qu'il ait à ce point changé. Il devait feindre l'ennui, il devait feindre cette espèce d'apathie générale qui cachait en vérité des préparatifs. Alors, il l'a longtemps espérer que son épouse et son fils, le roi de Rome, viendraient le rejoindre. Sauf que Marie-Louise, dès le 25 avril, se trouve chez son père à Vienne. Et son père, c'est le pire ennemi que puisse avoir l'empereur. C'est l'empereur François, François Ier d'Autriche. Donc, pour Napoléon, ça c'est un espoir qui va être déçu. Alors une nuit, on annonce, et la rumeur immédiatement fait le tour de cette petite île, bien entendu, qu'une femme est arrivée, une très belle dame avec un enfant. Ah, mais alors ça y est, Marie-Louise est là, dit-on. Non, c'est pas Marie-Louise qui est venue, c'est Marie Walewska, c'était la maîtresse polonaise de Napoléon, qui est là avec son fils Alexandre. Et ça, évidemment, on le sait à Vienne, et on le sait à Paris, on le sait partout, parce qu'il y a toujours ces espions qui sont là. Alors, je voudrais tordre le cou à deux légendes à ce propos, et nous y reviendrons bien sûr longuement dans cette émission de télé dont nous sommes en train de régler les derniers détails. D'abord, on a fait, je crois, un mauvais procès à l'impératrice Marie-Louise en pensant qu'elle avait tout de suite tourné la page et qu'elle avait décidé de ne plus s'intéresser à son mari. Ce n'est pas vrai. Nous sommes allés retrouver, grâce à l'autorisation du roi de Suède, nous sommes allés retrouver des lettres qui prouvent combien Marie-Louise, en tout cas dans les premiers temps, et même lorsqu'elle se trouve à Vienne, et ça on ne le dit pas assez, c'est un peu l'absent de l'historiographie, à quel point elle reste très attachée à l'empereur et promet de le rejoindre, etc. Donc ça c'est un aspect. Et puis le deuxième aspect, même si elle n'en fera rien finalement. On va lui coller dans les pattes un certain comte Neperg qui deviendra un jour son compagnon. Et puis, la deuxième chose, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que nous disposons, dans un certain nombre de fonds d'archives, on les a tous réunis là en l'occurrence, nous disposons d'éléments qui permettent de démontrer que la vie même de Napoléon était en danger sur cette île d'Elbe. Il y avait des tentatives d'attentats, il y a même eu des attentats qui ont été perpétrés sans succès. Il y avait toutes sortes de complots et un certain nombre de personnalités, au premier rang desquelles il faut bien sûr situer Talleyrand, avaient comme intention de supprimer Napoléon purement et simplement. C'était d'ailleurs l'espoir secret du roi Louis XVIII lui-même. Donc, que Napoléon n'ait pas du tout respecté les termes du contrat en quittant l'île d'Elbe, en s'embarquant dans cette extraordinaire aventure dont nous allons parler dans un instant, c'est un fait. Mais qu'il n'ait pas eu d'arguments, qu'il n'ait pas eu d'éléments pour le pousser à le faire, alors ça c'en est un autre. Il ne faut pas oublier les circonstances, et les circonstances étaient telles que Napoléon n'avait pas vraiment le choix, si l'on regarde bien. Alors, il va finir par s'embarquer le 26 février 1815. Ce jour-là, donc, ça fait déjà longtemps que son départ a été prévu. Il se lève tôt, il assiste à la messe à 9h, et puis il va passer ses petites troupes en revue. Il réunit les notables de Portoferraio, et un peu plus tard, à 4h, le général Cambronne fait vite manger la soupe à la troupe. C'est le branle-bas du départ. Aux environs de 7h du soir, Napoléon prend place dans une voiture qui descend lentement de son palais jusqu'au port. Il embarque alors sous les vivas et les applaudissements. Il y avait quelqu'un, théoriquement, qui avait été nommé par les alliés pour le surveiller, mais il se trouve qu'il était parti pour le continent ce jour-là. Ça tombait bien, n'est-ce pas? Ça avait été pas trop mal prévu, cette affaire. La flottille est là, composée d'un brick qui s'appelle l'Inconstant, décidément, après l'Indompté, qui est armé de 26 canons. Ça, ce sera le navire amiral, si vous voulez. Et puis 6 autres bâtiments de transport. En tout, 1231 hommes y ont pris place. Il va d'abord falloir, depuis l'île d'Elbe, regagner non pas l'Italie, comme le pensent tous ceux qui, à l'époque, sont en train de s'embarquer dans cette aventure. Ils sont convaincus que Napoléon va aller débarquer en Italie. Non, non, non, non, pas du tout. C'est en France qu'il a l'intention de débarquer. Un homme arrive seul dans un pays comme la France, qui sort lui-même de nombreuses campagnes militaires et dont l'armée entièrement retournée et tenue par les anciens maréchaux de l'empereur est intégralement fidèle au roi Louis XVIII. Il va arriver avec 1200 hommes en France tout seul, et sans tirer un coup de feu, sans coup férir, il va remonter jusqu'à Paris où il reprendra le pouvoir, figurez-vous. Il n'y avait qu'un homme capable de faire ça, il s'appelait Napoléon. Bonjour Charles Bonaparte, bonjour Bernard Chevalier, merci beaucoup d'être ici tous les deux. Alors, nous allons revenir bien sûr sur cet épisode de l'île d'Elbe, et puis nous développerons un peu ce qui s'est passé après le débarquement, quand Napoléon arrive à Golfe-Juan. C'était un pari, c'était un défi d'une audace extrême, et c'est un pari qu'il a réussi. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Napoléon à l'île d'Elbe avec vos invités. Bernard Chevalier, ancien directeur du musée du château de Malmaison, président du comité scientifique du Jubilé impérial, et Charles Bonaparte, président de la Fédération européenne des cités napoléoniennes. Et le prince Charles Bonaparte est évidemment de la maison impériale. Vous êtes non pas le descendant de Napoléon, mais de son frère Jérôme. De son frère cadet Jérôme, oui. En effet, oui. Jérôme qui s'est montré dans des lettres qu'il adresse à sa propre épouse assez dur avec son frère sur cette dernière période. Il disait qu'il avait un peu perdu le contact avec les réalités. Oui, je crois que c'est pas totalement faux. Si la population lui est hostile lorsqu'il descend, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que probablement il avait perdu le contact avec le peuple français, disons. Alors, comment peut-il, dans ces conditions, envisager d'aller reprendre le pouvoir en France? Ce qu'il faut peut-être dire, Bernard Chevalier, c'est qu'à cette époque, les circonstances lui sont quand même assez favorables. Il a des rapports, parce que s'il est sur l'île d'Elbe très espionné, il y a des gens qui, en revanche, espionnent pour lui, en tout cas l'informent, et lui disent que l'armée, notamment, lui reste très favorable. Oui, l'armée est fidèle à Napoléon. Il est informé non seulement par des espions à sa solde venant de France, mais aussi il a des contacts avec son beau-frère, avec Murat de Naples, dont il avait évidemment accusé de l'avoir trahi. Et en réalité, Napoléon commence à tisser tout un réseau qui va lui permettre d'arriver très facilement en France. Alors, le départ pour l'île d'Elbe est un moment qu'on a un peu oublié. C'est un peu dans les parenthèses de l'histoire. Quand je dis un peu oublié, pas vous, évidemment, pas les spécialistes de la saga napoléonienne qui, évidemment, savent tout de cette affaire. Mais je vous assure que dans le grand public, quand on parle de l'exil, autant Sainte-Hélène, oui, tout le monde sait, mais l'exil à l'île d'Elbe, il est vraiment passé entre parenthèses. C'était assez extraordinaire pour un homme comme Napoléon de se retrouver à la tête d'un aussi petit territoire et de si petites responsabilités. Charles Bonaparte. Bah oui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était la peine au fond que la coalition des monarchies lui appliquait. C'était finalement de descendre du trône le plus puissant de son temps, de partir de la position de l'homme le plus puissant de son temps et devenir le souverain d'un confetti, je dirais. Bon. Et donc ça nous rend d'ailleurs que plus intéressant ce qui va suivre, c'est-à-dire comment il fait pour remonter à cheval, si je puis dire, pour se remettre en selle, pour reconquérir l'opinion publique. Parce que, en effet, l'homme qui part de l'île d'Elbe est un homme seul. Hein, et Chateaubriand le dira dans une formule très connue, hein, un homme seul conquiert un pays. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, Napoléon lui répondra dans cette célèbre proclamation, donc, lorsqu'il arrive, en disant « L'aigle va passer de clocher au clocher jusqu'au clocher de Notre-Dame. Donc c'est bien le projet d'un homme seul à la tête d'un millier d'hommes qui va finalement renverser la donne. Au moment où il débarque à Golfe-Juan, ils ne sont même pas certains qu'ils ne vont pas être repoussés à la mer, à la limite. Déjà, ils ont évité un certain nombre de bâtiments, de navires en route. C'est un miracle, ça. Tous les spécialistes de navigation maritime disent que c'était incroyable qu'il ait pu passer. Il y a peut-être eu une certaine complaisance. C'est ce que vous avez l'air de penser, Bernard Chevalier. Oui, j'ai l'impression, effectivement, on le dit que les Anglais avaient surveillé la flottille et qu'ils l'ont volontairement laissé passer pour mieux le capturer après en arrivant en France. L'idée, c'était de le pousser à la faute. Et l'ayant poussé à la faute, ensuite de pouvoir l'exiler, alors cette fois pour de bon. C'était ça leur calcul d'après Absolument, vous ? Absolument, parce que aussitôt débarqué en France, il a été mis au banc de l'Europe. Et il était décidé que Napoléon était vraiment quelqu'un qu'il fallait absolument capturer. Il n'était plus souverain. Il avait quitté l'île d'Elbe. Il était devenu un homme comme un autre. Il s'était mis hors droit, comme le souligneront un certain nombre de ses adversaires, évidemment. Et ce qui expliquera, à défaut de le justifier forcément, qu'il n'ait, par la suite, hein, donc après 1815, après le Waterloo, qu'il n'ait pas bénéficié d'un procès. Il n'a pas été jugé puisqu'il s'était mis lui-même hors du droit, diront notamment les Anglais. Alors, il est à Golfe-Juan, il faut imaginer la scène. Comment la population réagit-elle? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impression d'un très grand enthousiasme au départ, au moment du débarquement lui-même. Non, et encore, il a eu la bonne idée de débarquer à Golfe-Juan. Il a évité la Provence qui était profondément royaliste. Et il se souvient très bien qu'il a failli être écharpé en descendant sur l'île d'Elbe. Mmh. Donc c'est vraiment déjà par une tactique tout à fait judicieuse qu'il a débarqué à Golfe-Juan. Non, tout s'est passé en fait à la Fraie, près de Grenoble. Jusque-là, c'était un aventurier. Oui. Alors, à la Fraie, que se passe-t-il? Ça, c'est le moment décisif. Je vais vous laisser raconter l'histoire de votre arrière-grand-oncle. En réalité, c'est pas moi qui l'a, c'est Stendhal qui en rend compte, n'est-ce pas? Et qui donc à la Fraie présente donc les troupes du 5e régiment d'infanterie qui arrivent donc pour arrêter les Napoléon et son et ses soldats. Et donc, l'empereur donc, se porte au devant de la troupe, il ouvre sa redingote et il dit « Voici votre empereur, vous le reconnaissez, si vous voulez le tuer, me voici. » Ah, voilà. Et bien entendu, ça, c'est personne de vérité. N'ose faire feu, c'est le moment de vérité. Et la troupe passe donc de son côté et ensuite... Donc c'est la remontée. C'est-à-dire que comme ces hommes, évidemment, n'allaient pas tirer sur celui qui, quelque temps plus tôt, était non seulement leur empereur, mais disons leur idole, une fois qu'ils ont renoncé à tirer, alors là, c'est presque la fraternisation naturelle et obligée. Il y a un passage d'un camp à l'autre, en quelque sorte. Et dans l'instant même, Napoléon se retrouve à la tête de combien d'hommes ? C'est très important, hein, d'un seul coup. Il a presque doublé, évidemment, oui, ses c'est effectifs. Ça, voilà, et oui. Il est remonté petit à petit. Et toutes les troupes l'ont suivi complètement. Et arrivé à Lyon, c'était devenu déjà du délire. Alors, Thierry Lenz me disait dans le documentaire dont je parlais, finalement, ne nous y trompons pas, ceux qui ont porté Napoléon jusqu'au pouvoir, en 1814, au moment donc de son, de 1815, au moment de son retour de l'île d'Elbe, ce n'est pas la population, dit-il, c'est bien l'armée, c'est une forme de coup d'État militaire. On peut dire que c'est en fait, ce sont les soldats de l'empereur qui l'ont ramené au pouvoir. Ça peut être vu comme ça, mais dans les campagnes quand même, il y avait une forte proportion de gens qui étaient absolument fanatisés et qui admiraient l'empereur, d'autant que les Bourbons avaient eu une politique qui n'était pas tout à fait celle que les gens attendaient, qui craignaient le retour à l'ancien régime. Oui, et les Bourbons s'étaient montrés d'une grande maladresse, il faut le dire. Hein. Surtout en ne payant pas les 2 millions qu'ils devaient verser à Napoléon sur l'île d'Elbe, qui est un des prétextes qui l'ont décidé à partir. Vous pensez que ça a pesé dans la balance, cette affaire ? Il n'avait plus beaucoup d'argent, en fait. Mmh. Il avait son trésor particulier, mais qui fondait très très rapidement, dans la mesure où il voulait tenir une petite cour qui lui coûtait très cher. Est-ce qu'on peut dire dans cette affaire que l'empereur de Russie, Alexandre Ier, avait fait preuve d'une clairvoyance plus grande que ses homologues, et que si l'on avait respecté exactement les clauses telles que lui les avait voulues, on aurait pu aboutir à une situation plus stable ? Je crois que l'empereur de Russie était trop faible, en fait. On aurait dû écouter les Anglais et de l'envoyer ou aux Açores ou à Sainte-Hélène. Parce que, en tant que conservateur de musée, je regrette beaucoup l'épisode de l'île d'Elbe, puisqu'en 1814, nous avions gardé tous les trésors acquis de la Révolution pour le musée Napoléon, le musée du Louvre. Il a fallu tout rendre en 1815. C'est un point de vue de conservateur de musée, tout simplement. Mais ça, c'est vous parler de tout ce qu'on avait un petit peu grappillé au passage à droite et à gauche. Hein, c'est des traités officiels qui les laissaient. Après tout, oui, c'est vrai. Hein. En tout cas, la plupart de toutes ces œuvres seraient encore là, disons, ça c'est une certitude. C'est vrai qu'en 1815, le regard des alliés sera nettement plus dur et leur comportement autrement exigeant, puisqu'ils vont exiger non seulement la rétrocession de toutes ces œuvres d'art, ça c'est effectivement un point de vue de conservateur, de musée, mais ils vont surtout exiger le paiement de dommages de guerre absolument considérables et qui mettront la France à genoux pour un moment. Comment, c'était la question que vous posiez, Charles Bonaparte, il y a quelques minutes, comment Napoléon s'y prend-il pour rentrer en sympathie avec la population et pour se faire accepter, parce qu'il va remonter comme ça, disons-le, finissons cette épopée jusqu'à Paris. Le maréchal Ney était venu à ses devants pour ramener le tyran dans une cage de fer, hein, c'est ça. En fait, il n'a ramené personne puisqu'il s'est rangé, il s'est rallié à Napoléon. Donc Napoléon arrive. Le gros roi Louis XVIII est bien obligé de repartir en exil, le revoilà parti pour les Flandres avec la famille royale, etc. Et Napoléon se réinstalle aux Tuileries. Ça a l'air d'être une histoire complètement invraisemblable. Comment le peuple parisien accueille-t-il l'empereur ? Alors, je pense que le peuple parisien reste dans une certaine indifférence. Le peuple parisien en a vu beaucoup depuis 30 ans, à vrai dire. Il a vu la Révolution, il a vu le consulat, il a vu l'Empire, il a vu l'occupation par les Russes, etc. Donc le peuple reste finalement assez éloigné de la scène presque politique. Presque blasé, on pourrait dire. Presque blasé, en quelque sorte. Il attend de voir comment les choses vont tourner. Bon, sur le plan politique, évidemment, Napoléon se trouve devant une équation très difficile à résoudre. Parce qu'il faut, en quelque sorte, faire du neuf avec du vieux. Bon, et malgré tout, les quelques 300 jours de gouvernement de Louis XVIII ont été marqués par un progrès des idées libérales, hein, représenté par un homme comme Benjamin Constant. Benjamin Constant, qui était l'adversaire libéral du monarque, revient aux affaires et écrit donc la nouvelle constitution, donc les actes additionnels à la constitution de l'Empire bien connue, qui crée une sorte de régime, une sorte de compromis entre la dictature, disons, napoléonienne et les idées libérales. Il a mis quand même beaucoup d'eau dans son vin, disons. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin, mais cette constitution, bien entendu, n'aura pas le temps de s'appliquer. Mais il est intéressant de voir comment les idées avancent finalement vers la République. Notamment, et en même temps, oui, notamment dans le domaine des libertés publiques et de la liberté d'expression, par exemple, hein, où il y a de grands efforts. Est-ce que ça aurait duré très longtemps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça change beaucoup par rapport à ce qu'on avait connu quelques mois plus tôt du temps de l'Empire, véritable Empire. C'est indiscutable. Et ce retour de Benjamin Constant, d'une certaine manière, marquera le début de la légende d'un Napoléon, disons, héritier de la Révolution, rétablissant au fond l'égalité entre les citoyens, qui sera ensuite reprise, bien entendu, avec le mémorial de Sainte-Hélène beaucoup plus tard. Mais c'est le début de cette légende. Et puis, en effet, sur le plan de la politique étrangère, donc le Congrès de Vienne est réuni au moment où il revient aux affaires, et donc le condamne immédiatement, c'est lui qui le met en réalité hors la loi, et donc immédiatement la coalition se reforme. Et c'est ça, c'est que vous faites bien de souligner cet aspect essentiel du contexte de l'époque, c'est que au même moment se trouvent réunis à Vienne tous les diplomates, et un grand nombre d'ailleurs de chefs d'État tout simplement, dont la France s'est représentée toute seule parce qu'elle n'était pas invitée, mais Talleyrand s'est invité à la table de négociation avec le talent, mais là on peut même dire le génie que l'on sait. Et donc il y a cette espèce de grand concert international, cette grande réunion, ce sommet si l'on peut dire, et c'est depuis Vienne que va être décidée la réaction au retour de Napoléon sur le trône de France. À Vienne, on est furieux, Bernard Chevalier, évidemment. Absolument, parce que d'abord, comme chacun sait, le congrès s'amuse, le congrès danse. S'amusait, en tout cas. S'amusait, et ça a fait effectivement l'effet d'une bombe. Là, c'est terminé, oui. Donc, les souverains alliés ont décidé de mettre, comme on l'avait dit, Napoléon au banc de l'Europe. C'est devenu maintenant quelqu'un à abattre, et ils ont réuni toutes leurs troupes, et n'importe comment, si Napoléon avait gagné à Waterloo, il aurait été vaincu à une autre bataille un peu plus tard. Le nom est prononcé, en effet, donc il va y avoir cette conjonction notamment d'armées britanniques et prussiennes du côté de Waterloo. Alors Napoléon, dans cette affaire, on ne va pas du tout raconter là l'histoire de la bataille de Waterloo, ça fera l'objet d'une émission à part entière, d'ailleurs, que nous pouvons déjà prendre date. Ça pourrait être par exemple le 18 juin prochain, mais qui sera le jour anniversaire. Mais ce qui est assez frappant, c'est de voir que Napoléon envisage d'affronter, avec il a environ 125 000 hommes, en face il y en a presque 280, ça n'a pas l'air de l'impressionner, il est convaincu qu'il va l'emporter et qu'il va l'emporter haut la main. Il aborde Waterloo avec une sorte de, j'allais dire, de décontraction, en tout cas. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que depuis le temps que les troupes ennemies le combattent, ils ont fini par comprendre. Ils ont appris sa tactique, comment il faisait pour séparer les différentes troupes. Il a cru gagner en séparant Blücher des Anglais. Après quelques combats victorieux, comme à Ligny ou d'autres petites batailles, finalement, il était complètement vaincu à Waterloo. Laminé, donc c'est cette défaite historique invraisemblable de Waterloo. Napoléon rentre comme il peut d'ailleurs, il n'a même plus sa propre berline, n'est-ce pas? Il rentre à Paris sous une pluie battante, en plus enfin, on dirait que tout est fait pour que ce chapitre-là de l'épopée soit parfaitement cohérent et cinématographique. Il arrive à Paris, il est à l'Élysée à ce moment-là, là il va signer sa deuxième abdication et avant de partir pour Rochefort, d'où il compte s'embarquer peut-être pour les États-Unis, c'est son projet à l'époque, il va faire un détour par la Malmaison, qui a été le lieu du bonheur qu'il avait connu avec sa première épouse, avec Joséphine de Beauharnais. Eh bien, nous allons faire comme lui, si vous voulez, dans un instant. Nous serons, nous aussi, dans cet extraordinaire endroit, élégiaque, tellement près de Paris. Je crois que du temps où il était premier consul, il se vantait de pouvoir gagner le centre de Paris à la Malmaison en moins de 10 minutes. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Napoléon à l'île d'Elbe est au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Charles Bonaparte, président de la Fédération européenne des cités napoléoniennes, et Bernard Chevalier, ancien directeur du musée du château de la Malmaison. Et Bernard Chevalier qui rit bien, parce qu'il semblerait que 10 minutes en 1800 pour faire le centre de Paris à la Malmaison, c'était pas possible. C'était 30, vous me dites. C'est 30 minutes. Oui. En fait, nous le savons d'une manière certaine, parce que lorsque Joséphine voulait acheter le château, la vendresse, Madame Le Couteau du Mollet, comme argument de vente, avait écrit Malmaison est à une demi-heure de Paris. Et voilà. Et ça a été sans doute un des arguments. En tout oui, cas. Mais maintenant, on aurait vrai. Oui, mais maintenant, on aimerait bien. Parce que maintenant, il y a un autre facteur qui s'appelle les embouteillages. Voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, il va y en avoir des embouteillages ce week-end. J'imagine, depuis une semaine, il se presse beaucoup de monde. Oui, le Jubilé impérial est une manifestation absolument importante qui réunit énormément de visiteurs. Puisqu'il y a 2 ans, nous avons dépassé, je crois, les 60 000 personnes pendant les 2 jours du samedi et du dimanche. Donc tout le monde va se ruer sur veille et j'espère que nous aurons autant de succès qu'il y a 2 ans. Est-ce qu'on dit Malmaison ou La Malmaison ? Alors, géographiquement, c'est La Malmaison. Voilà. Mais comme sous l'Empire, on parlait du palais impérial de Malmaison, sans article, on a décidé dans les années 1920 que le musée s'appellerait musée de Malmaison, mais pas musée de La Malmaison. Ce qui veut dire que quand on parle de La Malmaison, on parle du lieu, et quand on parle de Malmaison, on parle du musée. Absolument. En gros, hein, pour préciser. D'où vient ce nom d'ailleurs de Malmaison ? Je crois que c'est une maison ancienne qui date au minimum du XVIIIe siècle et même probablement antérieure. Et je crois que c'est vraiment un lieu qui était mal fréquenté, probablement par des brigands qui passaient par là. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire en tout cas. Oui, ça remonte certainement aux Vikings. Qui sont les dits brigands, oui. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'ouest de Paris et que ça fait, c'est bien par là qu'arrivaient les envahisseurs. Mais en fait, ils ont débarqué dans un lieu, avant de faire le siège de Paris, dans une courbe de la Seine tout à côté qui s'appelle Malport. Ah oui, voilà, donc c'est ça. À chaque fois qu'ils passaient quelque part, ça devenait mal quelque chose. Oui. Nous parlerons d'ailleurs des Vikings très bientôt, je crois que c'est mardi prochain. Hein. Dès lundi, nous évoquerons les Vikings avec Régis Boyer, bien entendu. Et c'est une émission que je suis impatient de faire. Donc Joséphine avait acheté la Malmaison. Vous pouvez nous dire en quelles circonstances, Charles Bonaparte, c'est assez amusant cette affaire. Eh bien, son mari donc était en Égypte. En fait, c'était pendant la campagne d'Égypte. Il était pas là, il était général. Donc des armées de la République, hein, envoyées en Égypte. Et donc, elle l'achète en espérant que, de retour, un, il l'acceptera, et deux, qu'il le financera. Donc on peut dire que c'est sur sa bonne mine, en quelque sorte, qu'elle a signé le contrat d'achat. Et effectivement, Bonaparte, donc, à son retour de la campagne d'Égypte, avalisera cet achat et le paiera probablement, d'ailleurs, avec de l'argent pris sur la première campagne d'Italie, d'après ce que l'on dit. Avec des travaux considérables. Ça fait partie de ces maisons qui sont littéralement transfigurées par les travaux qu'on y opère. Sous la direction de Percier-Fontaine, j'imagine, hein, comme d'habitude, bien entendu. Des jardins extraordinaires aussi, parce que celle qui va devenir l'impératrice Joséphine de Beauharnais, gardait de son enfance aux îles le goût des beaux végétaux, si je ne m'abuse. Elle était passionnée de botanique et en réalité, il lui a fallu, j'allais dire, épuiser 4 générations d'architectes avant de trouver celui qui allait répondre à ses souhaits, qui s'appelle Berthaud. Et elle a retracé entièrement le jardin à ce moment-là. Mais il faut savoir que près de 200 plantes nouvelles ont fleuri pour la première fois en France à Malmaison. Des plantes absolument naturelles pour nous, comme le phlox, le camélia, le dahlia. Vraiment, c'était une passion pour elle. D'ailleurs, à côté de la grande Malmaison, il y avait la petite, si je puis dire, qui est une sorte de gigantesque serre au cœur de laquelle l'impératrice avait sa propre demeure, sa propre résidence. La grande serre chaude était vraiment la chose extraordinaire du domaine de Malmaison, puisque on pouvait y faire croître des arbres de 5 mètres de haut, chauffés par 12 grands poêles au charbon. Et malheureusement, les serres n'ont pas résisté à l'outrage du temps. Mais c'était la première fois que l'on couvrait une telle surface avec du verre. Et actuellement, il ne reste plus que le bâtiment sur lequel s'appuyaient les serres, qui s'appelle maintenant le château de la petite Malmaison. Voilà. Et qui lui est un domaine privé. Domaine privé depuis que l'État a loti le parc à la fin du 19e siècle. La serre n'existe plus, mais la demeure, elle, est toujours là, avec de très beaux vestiges d'ailleurs. Tout à fait. Je dis ça parce que je pense, il est probable qu'à l'occasion du Jour du Patrimoine, on puisse... On peut visiter les salons. Alors, je me rappelle lorsque j'étais enfant et qu'on m'emmenait au musée Grévin, il y avait la reconstitution d'une soirée à la Malmaison. C'était très beau parce que ça me faisait intensément rêver. Vous savez, il y a des petits éléments comme ça qui vous donnent le goût de l'histoire quand vous êtes petit. On a l'impression que c'était un peu un idéal que ces soirées à la Malmaison du temps du premier consul et de son épouse. Pendant le consulat, oui. Évidemment, jusqu'en 1802, Bonaparte n'avait pas d'autre résidence d'été que le château de Malmaison. Et il faut dire que tous les gens qui l'entouraient avaient une trentaine d'années et guère plus. C'est ça, bien sûr, oui. Même Madame Mère avait à peine dépassé les 45 ans. Donc c'était vraiment un entourage très jeune. On jouait, on s'amusait, on jouait au bar sur la pelouse du château, Napoléon trichant comme d'habitude. C'était un lieu très, très gai. En fait, c'est un peu le symbole, ce domaine de Malmaison, c'est un peu le symbole de la partie, si j'ose dire, républicaine de Napoléon Bonaparte. Est-ce qu'on peut dire ça, Charles Bonaparte ? Je le crois. je le crois. C'est en effet la période du général de la Révolution, et puis du premier consul, qui jette les bases de la République française. Et donc, à la Malmaison même, dans son bureau que chacun peut visiter, ont été pris des décisions, des arbitrages, puisqu'il y avait un conseil des ministres qui s'y tenait régulièrement le mercredi déjà, très important, sur des questions comme le code civil, la Légion d'honneur, la constitution du clergé, etc. Bref, l'organisation du pays. Donc on jette vraiment, à la Malmaison, on jette les bases de la République française. Alors c'est à cet endroit que va se rendre l'empereur avant de quitter vraiment la région parisienne et puis bientôt le territoire, le sol national. Il vient y chercher évidemment ses souvenirs, il vient y chercher le souvenir de Joséphine qui à cette époque n'est plus, il faut dire, hein, qu'elle est morte l'année précédente. Mmh. Oui, en réalité, Napoléon, je pense, a voulu finir sa carrière là où il avait commencé. C'est un grand sentimental, contrairement à ce que l'on pense, et il a voulu s'enfermer dans la chambre dans laquelle était morte l'impératrice, et Hortense, qui était présente, note qu'en sortant de la chambre, Napoléon avait les yeux humides. C'est vrai qu'on pleurait facilement à l'époque, mais quand même. Oui, oui, ça a été, je pense que ça a été la dernière grande émotion avant... avant l'aventure maritime, en quelque sorte, et puis l'exil. Alors là, cette fois, l'exil violent et définitif à l'île, cet îlot de Sainte-Hélène qui se trouvait complètement perdu dans l'Atlantique Sud, en plein milieu de l'océan, hein, loin, très loin de tout. Un mot peut-être d'ailleurs sur les restaurations qu'on fait à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, en fait, qui relève du ministère des Affaires étrangères pour les bâtiments, mais du musée de Malmaison pour les collections, a fait l'objet tout récemment de travaux énormes, puisque le bâtiment dans lequel abritaient les généraux avait été démoli dès le Second Empire, reconstruit dans les années 1930, mais en si mauvais état qu'il a fallu à nouveau l'abattre et le reconstruire une troisième fois. Donc nous avons là un endroit complètement restauré, mais la maison de l'empereur, elle, a retrouvé une grande partie de son mobilier qui actuellement est à Paris pour restauration, en vue d'une grande exposition qui aura lieu en 2016 au musée de l'armée avant de retourner sur l'île de Sainte-Hélène. Alors vous êtes, Bernard Chevalier, le président du comité scientifique du jubilé de Malmaison. Il va y avoir des grandes festivités. Là, demain, c'est d'ailleurs le prince Charles Bonaparte qui va inaugurer demain à 11h, c'est ça Avec le maire, bien entendu, voilà. Le maire de Malmaison. Qu'est-ce qu'on va voir de nouveau cette année? Bah écoutez, je crois que comme chaque année, ça sera un grand moment de festif. Au fond, il est assez rare finalement qu'on fête l'histoire et qu'on se retrouve en famille autour d'une grande page de l'histoire de France. Ça, je dirais, ça gomme toutes les différences politiques, droite, gauche, etc. Tout ça n'a aucune importance. Ce sont les gens qui se réunissent, qui se réjouissent, qui participent au fond au spectacle de l'histoire. On fait venir les enfants, etc. Donc c'est une manifestation d'abord, je crois, très populaire, qui est destinée à montrer aux gens finalement une page de l'histoire, comment on vivait à l'époque, quelle était la musique, comment ça se passait sur les champs de bataille, comment les gens étaient habillés, etc. La ville de Rueil est fière d'avoir cet extraordinaire patrimoine sur son sol, tant mieux. Vous êtes d'ailleurs, vous, le président de la Fédération européenne des cités napoléoniennes. Elles sont nombreuses. Tout à fait, on a une soixantaine de villes, donc on travaille dans 10 pays européens différents, donc depuis l'Espagne jusqu'à la Russie, qui mettons en valeur donc notre patrimoine. Et nous sommes en train de constituer un itinéraire culturel, donc labellisé par le Conseil de l'Europe. La décision interviendra au printemps prochain, qui nous donnera, disons, un label et une visibilité tout à fait extraordinaire. Alors jusqu'à dimanche, le deuxième jubilé impérial se tient donc à Rueil-Malmaison, sur le domaine national de Malmaison, et au-delà d'ailleurs, hein, puisque c'est oui, assez... Oui, il y a trois espaces, en ville, à Bois-Préau et à Malmaison. Et puis, je signale qu'à 14h30 dimanche, la maison de vente Ozena mettra en vente le contrat de mariage de Joséphine et de Bonaparte. Ça, c'est assez extraordinaire. Un contrat de mariage que vous avez eu l'occasion de scruter de près, vous, Bernard Chevalier. Vous êtes en train de préparer avec mon ami Marc Walter un très bel album sur Joséphine, impératrice, qui va sortir bientôt, je crois. Qui sort normalement le 15 octobre, oui. Merci beaucoup à vous deux. Je n'ai même pas besoin de vous demander ce que vous allez faire de votre week-end. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Gilles. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Gilles dit qu'on entend souvent l'expression « découvrir le poteau rose ». Il aimerait savoir d'où elle vient. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Découvrir le poteau rose, c'est découvrir un secret qui avait été précautionneusement gardé et qui d'un seul coup est éventé d'une certaine manière. Alors, il y a plusieurs explications sur l'origine de l'expression. Il n'y en a aucune qui prévaut sur l'autre. Au 19e siècle, Littré, Émile Littré, nous dit qu'un poteau rose, c'est un pot dans lequel on met les roses, l'essence de rose. D'autres supposent que le pot aux roses, c'était le pot dans lequel les femmes fortunées rangeaient plutôt leurs parfums, notamment le parfum de rose dont elles se fardaient ou aspergeaient. Et c'était dans ce pot qu'elles cachaient leurs mots doux, les billets secrets, vous savez. Et voilà, et donc découvrir le pot aux roses, c'est découvrir la correspondance secrète de la dame. Ça aurait pu être ça, en tout cas. On a aussi sous-entendu que l'expression signifiait « enlever un couvercle », celui d'un pot contenant de l'eau de rose, par exemple, ancêtre d'un parfum très utilisé au Moyen-Âge, et qui s'évapore si on ne le recouvre pas. Donc, si vous ouvrez le bouchon, évidemment, si vous ôtez le couvercle, il va y avoir une évaporation, d'où cette idée de diffusion de la nouvelle. Peut-être, c'est assez allégorique. Toujours en matière de parfum, certains ont affirmé qu'il s'agissait de la découverte de l'instrument qu'utilisaient les parfumeurs pour distiller les huiles essentielles et qu'ils gardaient très secret. Donc, découvrir le pot aux roses, c'était découvrir un très grand secret professionnel. Vous voyez que tout ça se tient, c'est difficile d'arbitrer. Ce qui est sûr, c'est que la rose, ça c'est certain, est depuis très longtemps un symbole de secret. Elle est souvent associée à la virginité, à la discrétion et donc sans doute par extension au secret. D'ailleurs, au Moyen-Âge, lorsqu'on suspendait une rose au plafond d'une salle où se tenait un conseil, ça engageait tous ceux qui étaient présents à garder les discussions qui y avaient lieu définitivement confidentielles. On trouve d'ailleurs des roses très souvent gravées sur les portes des confessionnaux. Et pour les alchimistes, enfin, l'expression serait aussi une allusion à la rose minérale. C'est cette poudre obtenue à partir d'or et de mercure, mélange qui rappelle la pierre philosophale et qui elle-même est l'objet d'un très très grand mystère. We'll be right back.